neige est tombée, elle a déposé son manteau blanc, elle a fait ressurgir du passé tous mes souvenirs d'enfant. Lentement, lorsqu'on se réveillait, cette pâle lueur par la fenêtre, dans la nuit, une étrange clarté, laissant cette belle journée paraître en rêvant. Comme un carrousel, la vie tourne, tourne, mon Dieu, qu'elle est belle, quand vers toi je me tourne. Tous ces instants que l'on a passés à jouer aux cow-boys, aux indiens, à morse bois comme arc ou pistolet, histoire inventée entre frangins. Aujourd'hui, les années ont passé, disparu tous mes rêves d'enfant. C'est le temps qui nous a rattrapés, heureux d'être et toujours vivant. Simplement, la vie tourne, tourne, mon Dieu, qu'elle est belle, quand vers toi je me tourne. Et un jour, t'es entré dans ma vie, un soleil pour éclairer mes nuits, une étoile tombée de l'infini, et qui a donné un sens à ma vie. Ne cherche pas de sens à cette chanson, petit clin d'œil à mes cheveux gris, eux qui annoncent la disparition. Comme un carrousel, la vie.